Thorax, Altesse, Ornette. Écoutez-nous, écoutez-nous, écoutez-nous. Hip-hop, hip-hop. Messieurs, dames, regardez-moi dans les yeux. Je suis juste un gosse parmi tant d'autres. Sauf que je viens de la banlieue habituée à être banni des lieux avec du pain et un peu d'eau. Chez moi tu fais des heureux. Je suis rempli d'ambition, je veux découvrir le reste du monde. Mais le regard des gens poignardent et tous mes bros, je les fonds donc forcément. Je préfère rester chez moi dans la vodka, une chicha, mes potos et de la vodka. Tous les pères ne lâchez pas, votre fils dans ce décor. Sinon c'est dans un joint, une bouteille qui trouvera un réconfort. Je me souviens, en primaire on nous mettait au piquet. Et maintenant s'écoute le mur et ferme ta gueule, ça pique poker. On a tous les mêmes rêves, devenir rappeur ou footballeur. En grandissant on brise nos rêves, alors on vient des dealers. Tu nous dis bienvenue en France, c'est rien que de l'hypocrisie. Et si j'y croyais une seconde, au premier coup je serais au tapis. On grandit tous, on est tous, ça c'est tour à mille états. On peut être sage, simple, mais les gens nous dévisagent. On a l'envie de réussir, on veut partir ailleurs. On a connu le pire malgré le poids de nos couleurs. On grandit tous, on est tous, dans ces tours à mille états. On peut être sage, simple, mais les gens nous dévisagent. On a l'envie de réussir, on veut partir ailleurs. On a connu le pire malgré le poids de nos couleurs. J'arrangerai pas ma vie, moi je peux pas oublier tout ce qui me dégoûte. Rappeur nostalgique et les magiques, pensez pour ceux qui m'écoutent. Regarde-moi, je ne suis qu'une étincelle, encore un cri qui perce le ciel et nos anges ont du ciment sur les ailes. La rue t'attire, te torture ou te materne. Petit, ce n'est pas la bonne lanterne. Il ne peut rien bâtir sur le long terme. A trop tenter la haine, tu finis par t'y frotter. A trop tenter la peine, tu finis par t'y noyer. Voyez ce que vous avez. Ne pensez pas que tout finit mal et ne soyez pas navrés. On est tous pareils au final. Loin des miens, je suis perdu et ça perdure. Mais dis-moi comment trouver de l'air pur quand l'état est une ordure. Ordinaire, mais candidat pour trouver mes repères. Et si je me perds, moi je repars, j'aurais pu faire un beau départ. En dépit du temps qu'on passe à ne rien faire, on a tous souffert dans nos cœurs. Que tu sois black, blanc ou beurre. On grandit tous, on est tous, dans ces tours à mille états. On peut être sage, simple, mais les gens nous dévisagent. On a l'envie de réussir, on veut partir ailleurs. On a connu le pire malgré le poids de nos couleurs. On grandit tous, on est tous, dans ces tours à mille états. On peut être sage, simple, mais les gens nous dévisagent. On a l'envie de réussir, on veut partir ailleurs. On a connu le pire malgré le poids de nos couleurs. Dis-moi pourquoi quand on va sur Ipa, les gens nous sourient pas, tiennent leurs sacs, se prennent pour des rois. On fait du hip hop parce qu'on aime ça. Jeunes banlieusards, beurre et noir pour la plupart. On croit plus aux rêves, mais plutôt aux cauchemars. On a un cœur honnête, même le plus gros des clochards. À l'intérieur, on est blessé, on a des cocards. On passe notre temps à boire du whisky coca. On traîne en team, on n'est pas bon qu'à vendre la cocaïne. L'état nous taquine avec un ballon, on est tactique, clic, clic. C'est notre marque de fabrique. Moi je viens d'Afrique comme toi et lui. Je rêve de fric. 9-3 j'habite. Département qui n'est pas chic. Loin de la belle vie de Paris. Et tous ces riches, mais je m'en fiche. Gère ton caviar, je garde mon filet au fiche. Écouté par ton fils, aimé par ta fille. On grandit tous, on est tous, dans ces tours à mille états. On peut être sage, simple, mais les gens nous dévisagent. On a l'envie de réussir, on veut partir ailleurs. On a connu le pire malgré le poids de nos couleurs. On grandit tous, on est tous, dans ces tours à mille états. On peut être sage, simple, mais les gens nous dévisagent. On a envie de réussir, on veut partir ailleurs. On a connu le pire malgré le poids de nos couleurs.